One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa ba'd. Allah Azza wa Jal, frères et sœurs en islam, on continue toujours avec le tafsir détaillé de sourate An-Najm, la sourate sur l'étoile, et on commence à présent avec la deuxième ayah, le deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ». Ça, c'est la deuxième ayah. Donc, qui pourrait nous rappeler, sourate An-Najm, elle avait commencé avec quelle formule exactement? Il y avait une formule, un style de la langue arabe avec lequel sourate An-Najm a commencé. Un serment, le qasam. Donc, dans un serment, on a deux parties. On a al-qasam et on a al-muqsam alayhi. Tu as le serment en tant que tel et tu as le sujet du serment. Tu jures pourquoi? C'est clair? Wallahi par Allah. Wallahi par Allah quoi? Je suis innocent. Donc, ça, c'est al-muqsam alayhi. Ça, c'est le sujet, la raison pour laquelle tu jures. Qu'est-ce que tu veux prouver en jurant? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça commence par al-qasam, wa-najmi idha hawa, ça c'est le serment. Mais le serment, il est sur quoi? Il est sur ce qui va venir à partir de cette ayah, de cette deuxième ayah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum, ça parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça parle de lui, on va expliquer tout à l'heure pourquoi sahibukum, ainsi de suite, inshallah. Mais ça dit que lui, votre compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma dhalla وَمَا غَوَى. Allah Ta'ala, il fait la négation de deux choses que les gens lui attribuaient. Il n'est ni ça, ni ça. Il n'est ni dans un état de ضَلَّ, qui vient de الضَّلَل, qui est bien sûr l'égarement. Et il n'est pas aussi غَوَى, qui vient du mot الْغِوَيَة. On va aller dans les détails, ok? Ça, c'est très intéressant ce qu'on va couvrir maintenant sur Al-Dalal ou Al-Riwaya, Ma Dalla, Ma Ghawa. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, il fait la négation de deux choses qui sont négatives? Allah Ta'ala n'a pas dit seulement Ma Dalla, c'est pas égarer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ma Ghawa, ay ma ataqada batilan wa ma tajawaz al-haq, ay ma hada sahibukum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Quraysh an al-haqi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dévié de la vérité. وَمَا صَرَ غَوِيًا مُتَّبِعًا لِهَوَاهِ. Et ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire le riwaya, ça veut dire de chercher la mauvaise voie. Rappelez-vous, quelqu'un qui cherche la mauvaise voie. Qu'est-ce que ça vous dit? Si je vous parle de quelqu'un qui cherche la mauvaise voie, qu'est-ce que ça vous dit ça? Quel commentaire avez-vous à propos de cela? Il est incité par le mal. Il y a quelqu'un, barakallahu fik, il y a quelqu'un qui s'est trompé de voie. Il y a quelqu'un qui cherche la mauvaise voie. C'est pas la même chose. Et les deux sont en danger. Pour les deux personnes, pour celui qui cherche la mauvaise voie et pour celui qui s'est trompé de voie, c'est pas parce que le deuxième il s'est juste trompé de voie qu'il y a pas de problème. Non, non. Même le deuxième qui s'est trompé de voie, normalement il y a un signal, une alarme comme ça rouge qui va commencer à lui rappeler. Que reviens en arrière, revois ton itinéraire. C'est pas le bon chemin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma sara gawiyan muttabi'an li hawa. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelqu'un qui est gawi et qui suit son hawa, ses passions. Bel huwa muhtadin fi ilmihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est guidé dans sa science, dans sa connaissance, dans ce qu'il perçoit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rashidun fi amalihi. Et il est aussi rachid, bien droit dans ses actions, ses œuvres. Donc regardez ici, on va écrire ces concepts-là. Donc une fois, le ou les frères qui ont pris le soin de noter, inshallah, ou ta'ala, ces mots, assurez-vous que c'est bien écrit, inshallah. Qu'est-ce qu'on a ici? On a al-dalal. Ok? Dalal, c'est, on va écrire comme ça. Dalal, mais attention, ça c'est pas da, c'est pas le da comme on le lit en français, c'est dalal avec le dad. Qui signifie quoi? L'égarement. Okay, on va dire wala dallin comme dans sourate al-Fatiha. Dallin c'est les égarés, dalal. Le contraire de cela de dalal c'est quoi? C'est al-huda. Ou la hidayah, la fameuse hidayah. Donc on a la hidayah ou le huda, c'est la même chose. Donc c'est quoi al-huda? C'est la guider. C'est pour ça dans sourate al-Fatiha, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina. Ya Allah, accorde-nous le huda, la hidayah, la guider. Parce qu'à la fin, ceux qui n'ont pas la guider, eh bien, partie parmi eux, ils sont wala ad-dallin. Ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, c'est ceux qui sont dans le dalal, dans l'égarement. Très simple, encore une fois, à comprendre dans la vraie vie, c'est toujours de prendre cet exemple-là auquel on est très habitué, l'exemple du GPS. Tu as du point A vers le point B pour te diriger. Tu es soit bien guidé, tu es bien outillé et tu fais confiance à ton outil navigateur. Il te dit fais tel pas. Ou tu ne sais pas, tu es quelqu'un de perdu. Tu es sur un dalal sur ce chemin-là. Maintenant, de l'autre côté, on a un autre contraste à faire avec ici al ri wa yatu ri wa ya al riwaya. A priori, ça semble être la même chose que ad-dalal. Les personnes qui ne, la majorité des personnes, même ceux qui connaissent la langue arabe, il pourrait être induit en erreur pour vous dire que le riwaya, c'est l'égarement. Je vais donner comme une définition comme ça, trop vague. Ce qui n'est pas le cas. Vous allez voir maintenant, on va parler en détail de la différence entre les deux. Et le contraire de al-riwaya, c'est quoi? C'est ar-rashad. Vous avez probablement déjà entendu... Vous connaissez peut-être des noms qui s'appellent, des personnes qui s'appellent Rachad. Leur prénom c'est Rachad. Donc c'est pas mal la même chose. Ar-Rachad. Donc Ar-Rachad c'est le contraire de Al-Riwaya. Donc gardez ça toujours ici. Vous avez les mots auxquels vous référez, Inch'Allah. Maintenant on va commencer à parler de c'est quoi le sens de ces deux concepts et quelle est la différence. Alors les ulama ils disent Al-Ghawi man ta'ammada khilaf al-haq. Le rawi, celui qui est dans la riwaya, c'est celui qui fait exprès de ne pas suivre la vérité. Il se détourne de la vérité volontairement. Il cherche le mauvais chemin. C'est lui qui le cherche. Il le veut. Une telle personne, elle est dans un état de riwaya. Très bien. Celui qui se trompe, ad-dallu, trompe de chemin, ça c'est dalal. Donc ça c'est la différence ici. La différence, elle est reliée à l'intention. Il y a quelqu'un qui... Les deux sont sur le tort. Ça c'est le point commun des deux. Dalal, riwaya, les deux sont sur le tort. Mais il y a quelqu'un qui est sur le tort volontairement, l'autre il est involontairement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il dit après de lui, « Ma dalla sahibukum wa ma rawa » Il n'est ni dans al-dalal, ni dans al-riwaya. Ni c'est quelqu'un d'égaré, hachah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaît pas où se trouve la vérité. Ni le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de mal intentionné, qui veut juste suivre le faux. Oui, akhi. Bien sûr, ça existe. Il existe en masse des gens qui veulent suivre le faux. Et je sais que c'est pas intuitif pour plusieurs personnes de nos jours. Surtout quand on a un bon cœur et une bonne conscience et on trouve que c'est inimaginable qu'il y ait des gens qui veulent suivre le faux. Alors que ça, ce n'est pas vrai. Le Coran est très, très, très clair sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, qui veulent suivre le faux. Yabrounaha. Il y a des gens qui veulent que ce soit mauvais, que ça dévie. Entre autres, al-Yahoud, Allah Ta'ala, c'est comme ça qu'il les a décrits dans le Coran, al-Karim. Par exemple, ils savent très bien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils le connaissent, Allah Ta'ala le dit. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils ont la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre. Mais ils vont cacher ça. Et ils vont mentir. Pourquoi? Parce qu'ils l'attendaient, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'attendaient. Ils l'attendaient avec beaucoup de passion. Qu'il va être le dernier prophète de la fin des temps qui va venir, qui va les soutenir, qui va leur redonner leur force et ainsi de suite. Mais lorsque Allah Ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la surprise à laquelle il ne s'attendait pas, c'est qu'il n'allait pas être de leur race, il va être un arabe. Ça, c'est la surprise à laquelle il ne s'attendait pas. De ce fait, ils ont été trop arrogants pour suivre le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits en disant qu'ils sont « qawmun buhtun ». Il y a beaucoup d'histoires, surtout dans la sirah médinoise. On va voir plus tard, Inch'Allah, probablement certaines, quand on va continuer avec la sirah. Mais il y a beaucoup d'histoires où certains de leurs savants, ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des questions, juste pour le tester. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informait des vraies réponses, ça veut dire ce qu'ils avaient déjà dans leur livre, alors là, ils partaient, ils fuyaient. Ils n'avaient pas dit, ah, c'est vrai, tu es un prophète d'Allah Ta'ala. Ils veulent le tester, ils veulent piéger le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pharaon, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il a dit à propos de Pharaon? Est-ce que Pharaon, c'était quelqu'un, il ne savait pas la vérité? Il savait très bien au fond. « Jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum »« Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi » Basair, prophète Moussa a.s. lui dit « Laqad alimta » Tu le sais très bien que ça, ce n'est que des signes d'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala, il a fait descendre des ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'êtres humains qui ne suivent pas la vérité parce qu'ils cherchent à suivre le mal. Pourquoi? On va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça psychologiquement? Qu'est-ce qui tourne dans leur tête? Encore une fois, quelqu'un qui a la fitra, qui a un bon cœur, il trouve ça étrange. Qui va connaître la vérité ne va pas et va juste vouloir suivre le faux. Non, mais Allah Ta'ala va nous décrire tout à l'heure qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. C'est pour ça qu'on a besoin du Coran. Le Coran, il nous explique une grande partie de la réalité humaine qu'on ne peut pas comprendre s'il n'y avait pas le Coran. C'est Allah Ta'ala, le créateur de l'être humain, qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette âme, comment ça fonctionne, c'est quoi les ruses du cœur, les ruses de l'âme et ainsi de suite, parce que sinon, est-ce que toi tout seul, est-ce que tu peux comprendre tous les êtres humains? À peine tu peux te connaître toi-même, mais tu ne peux pas connaître tous les types d'êtres humains qui existent dans leur fond, comme ça, leur fond, leur réalité. Oui, Harry. Ah, ça va venir tout à l'heure, Inch'Allah. Et les ulama, ils ont parlé de ça. On va le voir dans un petit instant, Inch'Allah. Allah Ta'ala, il dit « Innaka lamina al-mursalina ala siratim mustaqim » Dans surat Yassin, Allah Azza wa Jal, il dit à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que certes, il fait partie « Innaka » Certes, il fait partie des mursalines, des messagers. Et qu'il est « ala siratim mustaqim » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est sur un chemin qui est droit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur le chemin de la droiture, il n'est pas sur le chemin du tort. Alors, فَالْهُدَى فِي عِلْمِهِ وَالْرَشَادُ فِي عَمَلِهِ الْهُدَى, la guidée, c'est dans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالْرَشَاد, le rachad, c'est dans les actions, la pratique du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous dit ici, et je pense bien que ça c'est les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, parce que ça sonne bien, oui, je suis presque certain que ça c'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, l'imam Ibn al-Qayyim, à propos de ça? Écoutez, c'est très, très intéressant, ok? وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ Il dit que ces deux principes-là, ces deux piliers qui sont هُدَى ainsi que رَشَاد هُمَا غَايَةُ كَمَالِ الْعَبْدِ C'est ça, les deux principes qui établissent la perfection de l'être humain, la droiture de l'être humain. Et c'est par ces deux principes-là qu'on atteint le succès, al-falah, ainsi que le bonheur, al-sa'ada. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit ses khulafa, les khalifs, les khalifas, les quatre califats qui vont venir après lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, constater encore une fois l'aspect miraculeux de l'islam et qui nous prouve encore une fois que tout vient de la même source parce que tout est homogène, que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, ça utilise, c'est le même, c'est la même organisation d'idées et de valeurs et ainsi de suite. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Et moi, avant de lire ça, j'ai jamais fait attention à ce détail dans le hadith, ok? Juste en préparant ce cours, c'est que j'ai fait attention à ce détail que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il mentionne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai » Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam que « Après moi, pour que vous ne soyez pas égarés, après moi, après que je vais quitter ce monde, attachez-vous à ma sunna, à ma tradition. » Ainsi que à la sunna, la tradition des khulafa, des califs qui vont venir après moi. Ils sont au nombre de quatre. Ça, c'est les grands quatre khulafa. Abu Bakr, après ça Omar, après ça Uthman, après ça Ali, radiyallahu ta'ala anhum. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits? Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rashidina al-Mahdiyina min ba'di. Ils sont les quatre prophètes, les prophètes qui vont venir après moi, qui vont être les Rashid et qui vont être les Mahdi. Rashid, c'est quoi? Rashad. C'est l'action, comme on a dit. C'est la droiture dans l'action. C'est difficile de trouver un mot, une traduction exacte en français. Du moins, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être si je trouve après, je vais vous le dire, Inch'Allah. Et ils sont quoi, Mahdiyina? Ils sont bien guidés. On les appelle habituellement Al-Khulafa, Al-Rashidin, Al-Mahdiyin. Les quatre califes bien guidés. C'est comme ça que ça se traduit en français, n'est-ce pas? Les quatre califes bien guidés. Mais en réalité, ce n'est pas une traduction complète. C'est juste parce que probablement personne n'a trouvé un autre mot très exact à ajouter à ça. Al-Mahdiyin, bien guidé, ça fait référence à Al-Huda. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé aussi un autre titre. Ils sont aussi quoi? Rashidin. Ils sont sur le Rashid. Mahdiyin, ce n'est pas les quatre califes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des gens ignorants. Non, non, non. Ils sont sur la droiture. Ils savent. Ils ne sont pas des gens égarés qui font du n'importe quoi. Ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Non, non. Et c'est des khulafas Rashidin, entre autres parce qu'ils sont des califes. C'est des politiciens, des gouverneurs. Ce n'est pas des gens qui ont été corrompus par le pouvoir. On sait qu'il y a beaucoup de politiciens qui deviennent corrompus par le pouvoir, en parlant encore une fois des gens qui cherchent le faux. Il y a beaucoup de politiciens, tout jeunes, tout frais, ont des valeurs très très justes et très très idéales, et ils y croient vraiment. Et c'est à travers ça qu'ils deviennent populaires et ainsi de suite. Une fois au pouvoir et puissants, là ils deviennent quoi? Corrompus. Ils savent très bien maintenant qu'ils ne sont plus sur le même chemin, qu'ils ont changé. Pourquoi ils ont changé? C'est à cause du pouvoir. Très souvent, les gouverneurs et les puissants et les riches, ils sont Rawina. Ils sont contre le Rashid. Ils connaissent très bien parce que les puissants, les gouverneurs et tout, ils ont accès à l'information, ils ont accès à la connaissance. C'est pas comme le, comme on appelle ça, le bas peuple, les miskines qui n'ont pas le temps de s'instruire ou de demander des... Non, non. Ceux qui sont en haut, qui ont le pouvoir, très très souvent, ils ont la capacité de faire parler tout le monde et d'obtenir les informations et de vérifier ainsi de suite, s'ils le veulent. Et de ce fait, ils peuvent être guidés s'ils veulent. Mais le problème, c'est leur riwaya. Ils cherchent le tort, ils le cherchent. C'est eux qui le cherchent, c'est eux, c'est ce qu'ils veulent. Il y avait une question? Oui, Harry. Donc, si j'ai bien compris, le Huda, c'est par rapport au ilm et Rashad, c'est par rapport au amal. Exactement. Donc c'est pour ça il dit ici wa huwa alladhi zakat nafsuhu bil ilm an-nafi' wal 'amal as-salih, que la perfection de l'être humain, ce qu'on cherche pour le croyant, c'est quoi? Al ilm an-nafi', la science bénéfique, et al 'amal as-salih, les actions qui sont bonnes, les bonnes œuvres. Parce que al ilm, la connaissance sans action, qu'est-ce que ça vous dit ça? La science bénéfique, la connaissance bénéfique, sans les bonnes actions ou avec les mauvaises actions. Qu'est-ce que ça vous dit? contradiction, manque de sincérité. Okay? Allah Ta'ala, il a donné dans le Coran Karim les exemples des savants corrompus. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce phénomène-là. Beaucoup de personnes sont très ignorantes de ce phénomène. De ce fait, encore une fois, beaucoup de personnes pensent le savant, c'est la science, la connaissance, connaître beaucoup. Non, le Coran, il est catégorique sur le concept, le danger du concept, du phénomène du savant corrompu. Par exemple, Allah Ta'ala nous parle beaucoup des Ahbar de Banu Israël, Ahbar wa Ruhban, des savants, des gens du livre. Comment est-ce que leurs savants, ils ont altéré la religion, ainsi de suite. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ils se sont permis d'altérer la religion, d'écrire les livres, les textes sacrés à leur guise, comme ça, les modifier pour se faire le cash, le pouvoir, le cash pour satisfaire aux puissants, ainsi de suite. Allah Ta'ala, il dit يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Que plusieurs des savants, encore une fois des gens du livre, ils mangent l'argent, la richesse بالباطل, à tort, et ils égarent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous a donné aussi des exemples. Imaginez que Allah ta'ala, il a comparé les gens de science qui ne sont pas dans le rachad, Allah Ta'ala, il les a comparés à un chien. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Ça c'est dans sourate Al-A'raf, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَا الْغَاوِينَ. Regardez ici la perfection du Coran. Allah Ta'ala dit « Itlu alayhim » dans leur l'exemple de lui à qui on a donné nos ayats, la connaissance. Il a connu la science, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. « Fansalakha minha » il s'est détaché. « Fa'atba'ahu shaytan » il s'est détaché de ses ayats, ça veut dire dans la pratique. Et le shaytan l'a suivi, l'a poussé. « Fakana minha » Al-Ghawin, il est devenu parmi les Ghawin. Remarquez qu'Allah Ta'ala n'a pas dit subhanahu wa ta'ala qu'il est devenu parmi les Dallin. Non, non, il connaît. Ataynahu ayatina. Il connaît. Mais il est devenu parmi les Ghawin. Walaw shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard. Si Allah Ta'ala, il voulait, Allah Azza wa Jalla l'aurait élevé par la science. Non, non, mais lui, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Akhlada ila al-ard. Il s'est éternisé vers la terre, ça veut dire vers la dunya. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ et il a choisi de suivre ses passions. Après ça, Allah Ta'ala dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Son exemple, c'est comme l'exemple du chien. Allah Ta'ala fait l'analogie entre ce savant corrompu et entre le chien. Un autre animal, l'âne, dans surat al-Jumu'ah. Donc l'autre, c'était dans surat al-A'raf. Dans surat al-Jumu'ah, qu'est-ce que Allah Ta'ala il dit encore une fois à propos de ceux à qui Allah Ta'ala il a donné le livre sacré de At-Tawrat? مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ. Allah Ta'ala il a dit que leur exemple, ces gens-là à qui Allah Ta'ala il a mis sur eux la Tawrat, mais ils n'ont pas bien porté, ça veut dire dans la pratique, ils n'ont pas implémenté la Tawrat, le livre d'Allah Azza wa Jalla, ils n'ont pas pris soin. Il dit, subhanahu wa ta'ala, c'est comme un âne qui porte des grands tomes, des livres, asfar. Imaginez un âne comme ça, tu vas mettre plein de livres et tu dis, ah, bouge. Il porte beaucoup de science, mais il ne comprend pas cette science. Il ne bénéficie aucunement de cette science. Sans parler bien sûr des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus, sans parler des tonnes de narrations et de paroles de salaf, des pieux ancêtres et des savants eux-mêmes de l'islam sur le danger du savant corrompu. Donc, comme on a dit, la science bénéfique sans les bonnes actions, les bonnes œuvres, c'est faux, c'est mal. Et de l'autre côté aussi, les actions sans science bénéfique ou les actions avec une science nocive, ça veut dire une science, encore une fois, altérée, faussée, modifiée, faible, non authentique, ainsi de suite, c'est aussi dangereux pour l'être humain. Kamal al-abd, pour le croyant, ce qui est nécessaire à accomplir, c'est de toujours essayer de faire de notre mieux, inshallah, pour se rapprocher de ces deux concepts. Al-huda wa al-rashad. La guider ainsi que al-rashad. Oui, Akhi. Est-ce que vous pouvez juste répéter ce que Ibn Qayyim a dit sur al-rashad ou al-huda? On va en parler plus maintenant. Okay, ce n'est pas encore terminé. Les paroles de l'imam Ibn Qayyim, il va maintenant classifier les êtres humains en quatre catégories. Oui, Akhi. Juste un titre d'information. Oui. Beaucoup de savants corrompus. Si on parle de savants, oui. Vous pouvez dire aussi un pourcentage, un chiffre, genre, que, comme juste pour nous informer, de faire attention à quel point on doit faire attention. Oui, khair, inshallah. Je ne peux pas te donner, bien sûr, un chiffre comme ça serait trop prétentieux. Mais si tu parles de savants dans le sens le plus populaire que les gens, au sens familier, les savants, ça veut dire les chers, tout celui qui parle de la religion et tout, il y en a en masse de nos jours. Okay. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont Rawin et beaucoup aussi qui sont Rawin et Dalil, les deux en même temps. Okay. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, c'est n'importe qui, quasiment n'importe qui de nos jours qui peut devenir un cheikh et avec le temps, c'est juste parce que c'est fondé soit sur l'idée de gouvernement, des gens puissants qui vont choisir qui mettre en avant, qui valoriser. Peuvent prendre n'importe qui, peut dire, lui, on va faire de lui une star, c'est tout. Ou parfois, c'est les gens, c'est la masse qui va choisir, comment ils appellent ça, les trucs là, ils appellent ça les séries télé de télé-réalité, ou je sais pas quoi, où les gens vont choisir, c'est qui leur vedette, c'est qui le meilleur acteur. C'est un peu comme ça de nos jours, les gens vont choisir qui est le cheikh le plus cool et tout, on doit soutenir lui, suivre lui, propager lui. Et n'importe qui, vraiment en suivant, bien sûr, il faut avoir certaines connaissances de base, ça c'est certain. Savoir jouer avec les mots et savoir un peu parler, savoir faire du marketing et du social media, ainsi de suite. Et tu peux assez facilement devenir un cheikh et avec le temps, les gens vont dire, mais lui aussi c'est un savant, on doit lui aussi respecter. Mais si tu parles des savants dans le sens, les savants, vraiment les personnes de science, alhamdoulilah, c'est pas tant que ça les gens qui sont rawin, alhamdoulilah. Ça c'est, on doit toujours se rappeler que ça c'est la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est toujours la umma de la vérité. Donc les vraies personnes de science, alhamdoulilah, la majorité sont sur le droit chemin, sur les bonnes intentions, même si encore une fois on comprend tout ce qu'il y a, certains sujets qui sont très controversés, qu'il y a trop de pression sur eux, que c'est pas tous les savants qui ont le courage d'être le plus franc et le plus direct avec ça. Rafika barakallah. طيب, alors il nous dit ici, الناس أربعة أقسام, qu'il y a quatre catégories de personnes, d'êtres humains. Le premier, ضال في علمه, غاو في قصده وعمله, وهؤلاء شرار الخلق. Première catégorie, c'est ceux qui sont égarés dans leur science et qui sont dans la riwaya lorsqu'il s'agit de leurs intentions et de leurs actions. Donc encore une fois, la riwaya, c'est les actions, mais c'est aussi les intentions, ok? La riwaya, c'est aussi relié aux intentions de la personne, les mauvaises intentions de la personne. C'est clair? Parce que l'intention aussi, c'est amen. L'intention, c'est l'action du cœur. Oui? C'est certain que l'arrogance est parmi les raisons de la riwaya. C'est l'une, c'est pas la seule. On va voir tout à l'heure, Inch'Allah, quand les ayats vont venir. Parfois, ce n'est pas l'arrogance. Il y a des gens, il y a des personnes dans ce monde n'ont pas beaucoup d'arrogance dans leur cœur et n'ont aucun problème à se faire écraser même, à se faire humilier. Plus important pour lui, c'est la dunya, les plaisirs. Il y a des gens qui sont prêts, parfois il y a des gens qui sont si soumis, si petit dans certaines régions du monde, vous allez en trouver beaucoup, qu'il est capable de vendre toutes ses valeurs pour un sandwich, sans exagérer. C'est pas une question d'arrogance. Pas de problème. Il peut même embrasser tes pieds si tu veux. Mais, pour un sandwich, il peut vendre sa religion, ses principes, aucun problème. Donc parfois c'est l'arrogance, parfois c'est juste l'attachement à la dunya, la préférence à la dunya. C'est bon? Alors il dit ici, ceux qui sont à tort dans les deux, ça c'est shirar al-khalq, ça c'est les pires des êtres humains. Si quelqu'un il est n'a pas la connaissance, il est ignorant, imaginez, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il est ignorant, et en plus de ça, il n'a pas les bonnes intentions, il veut suivre le faux, anyway. Qu'est-ce qui lui reste, cet être humain? Qu'est-ce qu'il y a comme espoir avec une telle personne? Deuxième type de personne, muhtadin fi ilmihi, rawin fi qasdihi wa amalihi. C'est les gens qui sont guidés dans leur connaissance, mais qui sont dans la riwaya, dans leurs intentions et leurs actions. وَهَاُولَا هُمُ الْأُمَّةُ الْغَضَبِيَّةُ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ. Il nous dit, Imam Ibn al-Qayyim, que ça c'est la nation de la colère. C'est qui la nation de la colère? الْأُمَّةُ الْغَضَبِيَّةُ. Ceux qui sont en train de tuer vos frères maintenant. Ok? C'est eux que Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran al-Karim, encore une fois dans sourate al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ. Donc, il y a اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous vers le droit chemin. À la fin, le droit chemin, il y a Allah, on ne veut pas être ni avec eux, ni avec eux. الضَّالِينَ, ceux qui sont égarés, on l'a dit, ne savent pas, font du n'importe quoi. Mais il y a الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Maqtoub alayhim, ceux qui sont sous la colère d'Allah Azza wa Jal. Ghadib Allahu alayhi wa la'anah, comme dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala nous a dit très clairement qu'Allah Ta'ala, il a sa colère sévère sur ces gens-là parce que ces gens-là, encore une fois, ils connaissent très bien la vérité. C'est pas juste aujourd'hui. Ils ont connu la vérité même lorsque leur prophète était avec eux. Allez lire dans Sourate al-Baqarah comment ils ont fait souffrir Moussa alayhi salam en sa présence. Lui, il était présent, prophète d'Allah Azza wa Jal avec eux, et il leur a montré des signes et des miracles d'Allah Azza wa Jal, et ils ont fait souffrir Moussa alayhi salam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une fois, rahim Allah Moussa faqad udhiya akthar min hada fa sabar, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah Ta'ala soit miséricordieux envers Moussa alayhi salam. Il a été testé, éprouvé plus que moi. Et malgré ça, il a été patient. Moussa alayhi salam a enduré beaucoup avec ce peuple-là. C'est clair. C'est pour ça qu'ils sont al-ummatu al-ghadabiyya. Alors il dit, cette deuxième classe, cette deuxième catégorie, c'est la umma colérique et tout celui qui les imite, qui est comme eux. C'est pour ça les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit que man fihi fasadun min ulama hadhihi al-umma, les savants corrompus de notre umma, eh bien, ils sont de la même catégorie de ces gens-là. Maghdubi alayhi. C'est clair, les savants corrompus de notre umma, wa huwa halu kulli man arafa al-haqqa wa lam ya'mal bihi. C'est le cas de toute personne qui connaît la vérité mais qui n'agit pas en conséquence, qui va agir contrairement à la vérité qu'elle connaît. Numéro 3, troisième classe d'être humain, il dit dalun fi ilmihi walakin qasdahu alkhair wa huwa la yash'ur. C'est les personnes qui sont égarées dans leur science mais qui ont une bonne intention, ils veulent le bien mais sans le sentir, ils savent pas. Encore une fois, celui qui va marcher dans le sentier dans la montagne, il dit ah, c'est le moment de revenir chez moi maintenant. C'est bientôt le coucher du soleil. Elle commence à revenir. Mais il est tout content, tout excité de revenir chez lui pour manger un souper bien, bien chaud. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a pris le mauvais chemin. Et que maintenant, il va s'égarer dans la forêt. C'est clair? Donc ça, c'est Abdal. Numéro 4, il dit « Muhtadin fi ilmihi, rashidun fi qasdihi, wa haula warathat al-anbiya. » Les personnes qui sont Hidayah et qui sont Rashad. Et ça, c'est les héritiers des prophètes. وَإِنْ كَانُوا الْأَقَلِّينَ عَدَدًا فَهُمُ الْأَكْثَرُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim, et ces gens-là, même s'ils représentent la minorité en termes de nombre parmi les êtres humains, ils représentent l'élite et les choisis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur valeur. Oui, Akhi, tafaddal. La troisième catégorie, c'est La quatrième catégorie. La troisième catégorie, c'est dalul fi ilmihi walakin qasduhu al-khayr. Donc ça, c'est les personnes qui sont dans dalal ici, mais on va pas nécessairement dire qu'ils sont sur rachad, parce que rachad, c'est la droiture des actions, il n'y a pas de droiture des actions sans droiture de la connaissance, mais c'est pas des personnes qu'on va décrire comme étant riwaya. Lui, sa maladie, c'est pas le riwaya. Donc regarde, c'est bien que tu m'as posé cette question. Quand on fait da'wa ila Allah, on est en train de faire da'wa ila Allah. Da'wa ila Allah, ça ne veut pas dire être cher et en train de donner. Okay? Da'wa, ça peut être, tu es en train d'inviter un ami, tu l'invites vers l'islam. Un membre de ta famille, tu essaies de le raisonner. Peut-être il est musulman, mais il fait des choses qui sont contraires à l'islam. Tu veux lui donner nasiha, tu veux qu'il revienne vers le droit chemin. Première chose importante à faire, surtout si la personne, elle résiste, c'est de savoir... La maladie, c'est laquelle? Tu dois classer la personne. Elle se trouve où? Dans Ad-Dalal ou dans Al-Riwaya? Comprenez de quoi on parle? Donc, si quelqu'un est en train de dire du n'importe quoi, oui, c'est comme ça, ça fonctionne et ça, c'est logique, ainsi de suite. Ça, la personne, c'est quelqu'un qui a... Il y a des personnes qui ont tort, mais tu réalises tout de suite qu'ils ont un discours très simpliste. Le miskin, il comprend vraiment pas grand-chose. Donc là, comment est-ce que c'est quoi la guérison ici, c'est quoi le remède? C'est la science, la connaissance, les références, les preuves, ok, la discussion, donner c'est quoi les implications, c'est quoi faire raisonner la personne. La personne, inshallah, si elle a un bon cœur, elle va commencer à découvrir, elle va commencer à être éclairée graduellement, ses yeux vont commencer à s'ouvrir et elle va commencer à poser des questions, ainsi de suite. Et Inch'Allah, ça va lui être bénéfique. Mais il y a d'autres personnes que non. C'est une personne qui est dans le mode Al-Riwaya. Comment tu peux détecter ça? Déjà, la personne n'a jamais pris de cours islamique, elle n'a jamais vraiment lu un livre dans lui. Ça peut être dalal, ça peut être le premier. Des gens, ils n'ont pas vraiment lu et tout, mais ils pensent qu'ils connaissent. Ils te disent, regarde, moi, mon père, il m'a toujours enseigné ça. Mais parallèlement aussi, il fait des mauvaises actions, on voit qu'il ne concorde pas avec ce qu'il dit. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui prônent certaines choses, même si elles sont fausses, mais même leurs actions ne sont pas en accordance avec ce qu'elles prônent. Très bien, oui. Ok, très bien. Donc, il y a des gens qui essaient de trouver des excuses. Très, très bien. Donc, ça, c'est un très bon signe de quelqu'un qui est dans Al-Riwaya. Les preuves sont là. Il n'a rien pour les repousser, mais va essayer de trouver des excuses. Très bon exemple, oui, Harry. Moi, j'ose pas prendre la science de quelqu'un, même s'il est là, c'est pas une bonne personne. Ça veut dire que c'est comme bien dire, c'est vachement utile. Ok, donc, très bien. Donc, ça, c'est quelqu'un. Ok, donc. Très bien. Donc, parfois, tu sais que la personne, elle a la science. C'est quelqu'un qui a étudié. Ça, tu le sais. Il connaît très bien. Mais ses actions, c'est Al-Riwaya. Donc, on sait très bien que là, le problème, c'est pas la science. Le gars, peut-être, il connaît din mieux que moi. Mais ses agissements, c'est autre chose. Donc, la personne n'a pas besoin de connaissance. Pas besoin que je vais lui ouvrir des livres et lui amener des preuves et tout. Il connaît ça très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi comme signe qu'on fait face à Al-Riwaya? Le riwaya, c'est la plus difficile à résoudre, habituellement. Les personnes, comme vous avez dit, qui font preuve d'arrogance, même lorsqu'on essaie de les approcher, ça fait preuve d'arrogance. Et je ne parle pas ici d'arrogance dans le sens où la personne, elle est un peu fermée au début. Non, je parle d'arrogance dans le sens où la personne, elle commence à rejeter ce qui est évident. Si la personne arrive quasiment au point de dire que 1 plus 1, ça égale 2, n'est-ce pas? Ça dépend comment tu comprends ça. Bien sûr, les gens ne vont pas le dire comme ça, mais pas en termes mathématiques. Mais c'est quasiment comme ça, ok? Lorsque la personne commence à dire des choses que tu sais très bien que le gars, il est bien convaincu de ça. Mais il essaie de montrer que ce que tu as dit, ce n'est pas convaincant. Tu sais très bien qu'il adhère à ça. Je sais très bien qu'il... Habituellement, c'est lui qui dit que 1 plus 1 égale 2. Mais juste aujourd'hui, commence à me dire que 1 plus 1, ça égale 2, discutable. Donc là, on est en mode de al-riwaya. Ok? Quelqu'un qui essaie d'esquiver, de t'attaquer à chaque fois. Toi, tu essaies d'amener juste des preuves pour la raisonner. Et la personne, elle réagit en t'attaquant toi, en créant une guerre. Il y a des gens tout de suite. Dès que tu commences à parler un peu de voilà, telle chose, telle, tout de suite, toi et les autres, et les religieux, et les chers, et je ne sais pas quoi, commencent à attaquer tout le monde. On n'a pas parlé ni des chers, ni des autres. On parle de quelque chose de bien particulier. Ce que toi, tu as dit hier, ce que tu as fait hier. Donc, quel est le remède à Al-Riwaya? Bien sûr, tout ça, c'est par la guidée d'Allah Azza wa Jal. Mais nous, on a recours à quoi? À quel outil dans une situation de Al-Riwaya? Invocation, dua, oui, que Allah Ta'ala guide la personne. Revenir à la source. Quel est le remède de Al-Riwaya? Guidé par l'exemple, oui, ça peut, oui, très bien, ça peut servir, oui. Repentir, oui, mais toi, quand tu lui parles, tu parles à une personne, ton diagnostic, c'est cette personne-là, elle est dans la case de Al-Riwaya. Az-Zuhd. Comment ça, Az-Zuhd? Puisque une des causes de Al-Riwaya, c'est aimer la dunya de manière démesurée. Donc pour lui, pour cette personne, elle doit faire preuve de plus de zuhd dans la dunya. On est d'accord? Je reformule ma question, si ce n'est pas clair. Tu fais da'wa à quelqu'un. Son problème, c'est Al-Riwaya. Tu as vite compris. Si on va donner un exemple très simple, c'est comme vous avez dit tout à l'heure. Lui, il connaît l'islam beaucoup mieux que moi. Je le sais très bien. Il l'a étudié et tout et tout. Mais là, il commence à avoir un comportement complètement éloigné de ce qu'il connaît. Je n'ai pas de nouvelles informations à lui apporter. Il sait très bien ce que l'islam il dit. Il le sait mieux que moi. Mais son comportement, sa vie au quotidien, c'est autre chose. Alors là, qu'est-ce que je fais avec une telle personne? Oui. Il faut le quoi? Le dénoncer. Okay. Ok, dans certaines situations, oui, mais encore une fois, avec ici, on parle de da'wa. Da'wa, dénoncer, c'est autre chose. Amr bil ma'ruf, on parle de da'wa. Inch'Allah, je veux qu'il revienne vers la droiture. C'est ça, c'est notre souhait ultime, Inch'Allah. C'est qu'il revienne vers le droit chemin. Khalas, Inch'Allah. Oui. On évite la confrontation. Son comportement. Ok. La réponse clé, la plus importante, c'est ce qu'on trouve dans le Coran. Le Coran, c'est ça et ça. C'est Al-Wa'd. Al-Wa'd, maintenant, c'est le rappel. Il y a différence entre l'enseignement et entre le rappel. Tu m'enseignes, tu es en train de m'apprendre de nouvelles choses que je ne savais pas. J'ai peut-être des choubouhats, des doutes, je suis perdu. Tu me guides par la connaissance. Tu vas m'enseigner des choses. Tu vas répondre à des questions. Là, je suis plus instruit, Inch'Allah. Là, je suis plus convaincu que ça, c'est la bonne chose à faire. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est dans l'état de la riwaya. Comme on a dit tout à l'heure, la riwaya causée par quoi? Ça peut être causé par l'arrogance, par l'amour de la dunya. Ok? Allah Ta'ala, dans le Coran Karim, il y a le wa'd. Le wa'd, c'est l'exhortation. C'est lorsque quelqu'un est en train de te donner un speech à toi, il parle à toi directement. Il te parle avec les émotions. Pas les émotions qui sont hors contrôle. Les émotions, ça veut dire les émotions raisonnées, fondées sur la vérité. Exemple, l'être humain qui est motivé par l'arrogance pour défier Allah Azza wa Jalla et pour rejeter la vérité. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce genre de personne? أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'être humain n'a-t-il pas constaté qu'on l'a créé à partir d'une nutfa, d'une goutte, alors qu'il était quoi? Alors qu'il est devenu maintenant un khasim. Moubin, khasim, c'est quelqu'un qui est là pour débattre, pour se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est arrogant, à la rigueur, on arrive. C'est pas pour... Ils ont dit, il faut pas être méchant. Non, non, c'est... Oui, ça c'est des méthodes que les prophètes ont utilisées, que les ulama ont utilisées à travers les temps pour essayer de ramener la personne vers sa nature humaine normale. Ça fait que Allah Ta'ala, il l'a créé. Toi, l'arrogant maintenant qui agit comme le tout dur, qui connaît tout et qui est toujours... Tu étais quoi? Tu étais une goutte Tu ne valais rien, tu n'étais rien du tout. Allah Ta'ala, il t'a créé. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Ta'ala nous a dit qu'il nous a fait sortir des matrices de nos mères alors qu'on ne connaissait rien du tout. Toi qui étais le bébé qui criait, qui avait besoin des couches et ainsi de suite, maintenant tu es devenu le plus intelligent sur cette terre, qui connaît tout et tu penses que... Donc ça c'est quoi? Ça c'est vraiment collision frontale contre l'arrogance de la personne. C'est d'aller briser. Parfois l'arrogance, elle doit être quoi? Brisée. C'est pour ça, si ce n'est pas brisé par le message, parfois c'est Allah Azza wa Jal qui brise l'arrogance des êtres humains par les épreuves. Qui peut nous donner une épreuve, un exemple d'une épreuve qui brise l'arrogance d'un être humain? La maladie, très bien. Donc parfois l'arrogance de la personne, elle pourrait être entre autres causée par sa santé, par sa force physique. Si Allah Azza wa Jal, il l'éprouve par la maladie, là la personne, elle va s'écrouler, va revenir à sa vraie faiblesse humaine. Quoi d'autre? La faillite, l'argent. Et donc ça, c'est des gens qui sont motivés par leur arrogance, pourrait être causée par la richesse excessive. Et de ce fait, ces gens-là, ils oublient la source de cette richesse et Allah subhanahu wa ta'ala se pense juste trop fort, trop puissant, trop important dans ce monde. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Désastres naturels comme tremblement de terre. Barakallahu fik. Donc, tremblement de terre, ça c'est quoi? Les gens ils disent, pourquoi Allah ta'ala, pourquoi Dieu il crée des tremblements de terre si Dieu il est miséricordieux? Parce que Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut, parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala aussi il a une hikma dans toute chose, une sagesse dans toute chose. Les tremblements de terre, c'est un remède pilule comme ça en quelques secondes qui fait fondre l'arrogance de plusieurs milliers, si ce n'est pas des millions de personnes, en un seul instant. En un seul instant, les gens tombent par terre de peur, de panique. Des gens qui vont s'évanouir, il y a des gens qui quasiment perdent la raison. En un seul instant, c'est tout. Parce que quoi, ça rappelle à l'être humain qu'est-ce qu'il est en réalité. Ne rien. Que cette terre, Allah Ta'ala, c'est lui qui la stabilise. À la base, la terre, elle bouge. Elle n'est pas stable. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a stabilisée. Et elle est stabilisée en tout temps par... Ça veut dire la règle, c'est pas que c'est normal de ne pas avoir tremblement de terre. Que tremblement de terre, ça c'est pas normal. Parce qu'on est habitué à ça, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui stabilise cette terre. Rawasi antamida bikum. Allah Azza wa Jal, il a stabilisé cette terre pour qu'elle soit calme, soumise à nous. Mihada, Allah Azza wa Jal a fait ça comme ça. Mais parfois Allah Ta'ala, il rappelle aux êtres humains que cette terre peut juste trembler juste un peu comme ça, juste un peu. Et l'être humain, il redevient rien du tout. Donc ça, c'est comme ça qu'on parle à la personne qui a un problème de al-riwaya. S'il y a espoir, il y a des gens, il n'y a pas espoir, il n'y a rien qui va entrer dans leur tête jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal va descendre sur eux la punition la plus sévère. Yuhlikuhum Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un, c'est pas l'arrogance, si quelqu'un riwaya, à cause de l'amour de la dunya, la personne, elle cherche le chemin du tort parce qu'elle aime trop la dunya, elle aime trop la dunya, le luxe et le confort, les plaisirs de la dunya, ainsi de suite. Quel exemple viendrait ici? Yarhamukallah. Quel exemple viendrait ici? Oui. Barakallahu fik. C'est l'akhira, la mort, le rappel de la mort. C'est pour ça que le rappel de la mort, Allah Ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala alhaakumu at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bi al-akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé l'importance de visiter les tombes. Pourquoi? Parce qu'elle remet les choses en perspective. Elle nous rappelle la réalité, al-akhirah, l'au-delà. OK? Donc encore une fois, lorsque, si on parle du discours de la da'wa contemporain, symbole de faiblesse de notre communauté, de notre ummah, Qu'est-ce qui lui manque, ce discours de la da'wa contemporain, que ce soit sur le minbar, le masjid, ou que ce soit sur ce qu'on reçoit à travers les réseaux sociaux et ainsi de suite? Quel élément manque-t-il? Un élément crucial dans le discours religieux qui est dans le Coran. La soumission, oui. Le tawhid, oui. Parler de l'enfer, ok, donc c'est encore une fois, c'est le wa'd. Rappelez-vous le mot, il est comme ça, le wa'd. En français, je pense qu'il traduit ça, l'exhortation, ok, mais c'est pas très... wa'd. Donc, wa'd, je ne sais pas comment l'écrire là, avec un a, wa'd. Wa'adha, on dit wa'adha. C'est pour ça dans le hadith authentique qu'on a étudié en détail l'an dernier, je pense, dans les 40 hadiths nawawi, les grands hadiths. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajalat minha al-qulub. Le compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait une maw'idha très puissante. Alors pourquoi est-ce qu'elle était très puissante? Quelle est la preuve qu'elle était très puissante? Il dit ce compagnon, dharafat minha al-uyun, les larmes sont sorties des yeux des compagnons et les cœurs ont commencé à frémir, wajilat minha al-qulub. Posez-vous la question, vous n'avez pas besoin de me répondre, mais posez-vous la question, quelle est la dernière fois dans votre vie que vous vous êtes rappelé d'avoir entendu quelque part une maw'idha, dans le sens où c'était une maw'idha qui a parlé à nos cœurs, qui nous a fait trembler, bouger. Ou est-ce qu'on est juste habitué à... Connaissiez-vous qu'il y a un hadith qui dit que la sunna à faire dans telle situation, c'est telle et telle chose? Merci, à la prochaine. Inscrivez-vous à ma chaîne sur YouTube. Vous voyez? C'est juste de l'information. On a des informations. C'est pour ça qu'on a des informations, mais on n'agit pas en... conséquences. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est on est proche un peu de l'état de Banu Israël. Pour ça que Banu Israël, ils se permettent de nous faire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent de nous, parce que on commence à devenir comme eux, mais eux se distinguent par le fait qu'eux, ils ont la puissance matérielle dans le monde. Nous, on n'a pas la puissance matérielle. Ils sont plus forts que nous matériellement, technologiquement. Ils sont... position plus favorable sur papier. Maintenant, ad-din dans les cœurs, si on commence à devenir un peu comme eux, il n'y a rien qui nous distingue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon si majeure que ça. Banu Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur prophète, à Moussa alayhi salam, « Sami'na wa asayna » On a bien entendu et on désobéit. L'ordre, très bien reçu. Mais non. On va pas faire. Allah Ta'ala a dit les mu'minin, les croyants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On a entendu et on obéit, on exécute. Nous aujourd'hui, c'est malheureux, tous, moi incluant moi, notre problème c'est quoi? Sami'na wa asayna. On apprend beaucoup, on connaît des choses, on connaît très bien, on a toutes les sources, l'information. Oh, c'est ça ce que l'islam il dit. Mais si on va lire ça dans un livre, pas de problème. Mais dès que quelqu'un commence à nous amener ce rappel, cette information-là, dans un mode pratique, pratico-pratique, tu sais très bien ce que l'islam il dit de faire, n'est-ce pas? C'est telle ou telle chose, ou de ne pas faire, c'est telle. Oui, je sais très bien. Ok, mais n'est-ce pas que c'est maintenant le temps d'implémenter ça? Ok. Oui, mais non, mais regarde, tu insistes trop là, tu es trop un peu trop extrême dans le dîn et tout. Laisse-nous tranquille, tu vois, on n'est pas, parce que là, tu commences à nous gêner. On n'aime pas ça. On n'est plus habitué à ça. On est devenu très sensible. On veut juste des trucs qui sont très gentils avec nos cœurs, comme on a dit. On apprend des choses et c'est tout. Oui. Oui, exactement. Et c'est, si vous vous rappelez bien, c'était quoi la dernière séance, quand on a parlé de l'histoire de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, on a parlé de Aïcha radiallahu anha, on avait mentionné le hadith de Aïcha radiallahu anha qui est dans le Bukhari, encore une fois je le résume, dans laquelle elle mentionne que les premières ayats révélées du Coran, ça parlait de paradis et de l'enfer. Pendant 13 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait surtout Tawhid d'Allah ta'ala. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui a fait le choix de faire ça. Ça c'est pas un choix qu'il a fait. Ça c'est la révélation. C'est juste la nature du message que Allah Ta'ala lui a révélé. Tu dois dire aux gens ça et ça et ça. Allez lire toutes les sourates mécoises. Elles parlent surtout de ça. Elles parlent du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, du paradis, de l'enfer. Le style, il est très fort, très puissant. Les analogies, elles sont percutantes. Elles sont aussi la vérité, tout cru, encore une fois, à partir de l'être, à propos de l'être humain. أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Allah Ta'ala parle de cet homme qui disait, on va devenir des, comme ça, poussière, comme ces os, os, qui vont devenir poussière, alors on ne va pas revenir. Alors Allah Ta'ala parle, parce que, encore une fois, Sourate Al-Qiyamah, ça parle de la mort, de l'instant de la mort. Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bil saq ila rabbika yawma idin al-masaq. Ça parle de l'instant de la mort, même chose dans sourate Qaf et autre chose. Toutes ces sourates mécoises, parce que une fois que dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Le vrai tawhid d'Allah Azza wa Jal, la vraie soumission au message d'Allah, Coran, pleine confiance en le Coran, j'adhère pleinement au Coran et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je crains la akhira et j'aime la akhira et je veux œuvrer pour la akhira. Les ordres que je vais revenir, que je vais recevoir par la suite, ça va passer comme des gouttes d'eau, très facile, comme boire de l'eau, ça va être exécuté. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Mais vu que cet aspect-là, il est perdu, et que de l'autre côté, encore une fois, on a ces deux choses-là, l'amour de la dunya, l'attachement à la dunya, surtout véhiculé entre autres par le capitalisme de nos jours, fitna de la dunya a toujours été là, depuis des siècles, depuis le temps de Adam alayhi salam. Mais aujourd'hui, le capitalisme, qu'est-ce que ça fait? C'est un facteur qui va multiplier cet attachement à la dunya, au matériel. Et de l'autre côté, d'autres valeurs comme l'humanisme et je ne sais pas quoi, qui sont là pour booster l'arrogance de l'être humain, l'ego de l'être humain, pour que l'être humain se croit être au centre de ce monde. Alors là, c'est comme si nos cœurs, ils sont, quoi? Blindés, scellés. Si ça parle de la science comme information, intéressant. Mais dès que quelqu'un me parle de la science, il me parle à moi directement. Là, j'ai déjà mes défenses qui sont prêtes. Touche pas à mon territoire. Moi, je connais déjà, mais ne viens pas questionner ce que je fais. طيب, inshallah ta'ala, on va se contenter de cela. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.